Comme tous les soirs, de poèmes par Émile Verhaeren, enregistré pour LibriVox.org par Jessica. Cet enregistrement fait partie du domaine public, comme tous les soirs. Le vieux crapaud de la nuit glauque vers la lune de fiel et d'or, c'est lui. Là-bas dans les roseaux, la morne bouche à fleur des eaux qui roque. Là-bas, dans les roseaux, ses yeux immensément ouverts sur les minuits de l'univers, c'est lui, dans les roseaux, le vieux crapaud de mes sanglots. Quand les taches des stellaires poisons mordent le plomb des horizons, écoute, il se râpe du fer par l'étendue, c'est lui, cette toujours voix entendue là-bas dans les roseaux. Monotone à fleur des eaux, monotone comme des gonds, monotone s'en vont les sons, monotone par les automnes. Les nuits ne sont pas assez longues pour que tarissent les diphtongues, toutes les mêmes de ces sons qui se frôlent comme des gonds. Ni les norois assez stridents, ni les hivers assez mordants, avec leur triple rang de dents, gèlent, gifrent et neigent, afin que plus ne montent en cortège les lamentables lamentos du vieux crapaud de mes sanglots. Fin de Comme tous les soirs.